Encore un petit peu, 22 à 26 degrés peut-être par endroit, donc ce sera un petit peu mieux. Jeudi, on pourrait mettre un petit bémol avec davantage de nuages et 20 à 24 degrés. Mais vendredi, on a à nouveau des températures légèrement plus hautes. Donc une semaine de fin d'été qui sera on ne peut plus agréable. Excellent début d'après-midi à l'écoute de Viva, il est 13h. Les titres du journal de la mi-journée. Avant dernier jour pour une petite excursion, avant la rentrée des classes, c'est déjà l'heure des bilans pour le secteur du tourisme. Bilan plutôt bon, disent les professionnels, et ça sans compter cette semaine de canicule. Instituteur de père en fille, la famille Filet enseigne depuis près d'un siècle dans une petite école de Fréthure-en-Condroz. On les rencontre dans ce journal. 13 milliards d'euros à rembourser, amende record infligée à Apple. Le géant américain devra rendre cette somme à l'Irlande. C'est ce qu'a décidé ce midi l'Union européenne. Le journal de 13h présenté par Lionel de Neubourg. Bonjour Lionel. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Dernière chance pour profiter des derniers rayons de soleil aujourd'hui et demain avant la rentrée. Mais déjà les hôteliers, les restaurateurs font les comptes. Été 2016 plutôt radieux. Bilan positif malgré quelques inquiétudes au départ, Rudi Hermans. Cette bonne saison, elle tient en deux chiffres, 70% de taux d'occupation des hébergements et une bonne fréquentation des attractions et musées, malgré un petit tassement de 4%. Barbara Destrée, commissaire générale au tourisme en Wallonie. C'est un bilan très positif. D'une part, parce que les statistiques qui ont été présentées aujourd'hui se sont arrêtées au niveau de la collecte aux alentours du 24 août, c'est-à-dire qu'elles n'intègrent pas l'excellente dernière semaine et l'excellent dernier week-end que nous avons pu observer en termes de météo. Et d'autre part, la crise économique a un impact certain également en termes de fréquentation touristique, de même que le climat général post-attentat. Et donc, malgré ces différents facteurs assez compliqués, eh bien, on constate une grande stabilité. La clientèle, elle est en très grande majorité locale, en provenance de Belgique ou des pays limitrophes. Nous devons concentrer un maximum d'efforts à garder cette clientèle, parce que si elle vient chez nous, elle est néanmoins toujours en quête de nouveautés, de qualité, d'événements. Mais par ailleurs, nous ne pouvons pas négliger l'émergence de certains marchés de niche, telle la clientèle chinoise, et auxquelles il faut pouvoir présenter des produits qui correspondent à leurs attentes. La saison touristique 2017 se prépare donc déjà en Wallonie. Thématique choisie, la gourmandise. Le reportage de Rudi Hermans. Un Belge sur cinq est incapable d'envoyer un email, d'après la Ligue des familles qui parle d'illettrisme numérique. Selon cette enquête, un tiers des Belges ne sait pas utiliser Internet pour consulter un horaire de bus, par exemple. Et la moitié n'est pas capable d'effectuer de paiement en ligne. C'est une saga dont on vous parle régulièrement, l'avenir des étudiants en médecine et en dentisterie. Alors que les étudiants francophones sont toujours dans le flou depuis la mise en suspens d'un concours organisé en première année, eh bien les étudiants néerlandophones, eux, passaient ce matin leur examen d'entrée. Ça fait bientôt 20 ans qu'il est d'application et ça fonctionne, c'est le sentiment de Jan Egermont, c'est le président de la commission qui a préparé cet examen. Les projections que nous pouvons faire en Flandre sur base du nombre d'étudiants qui entament les études de médecine et les projections qui vont jusque 2021-2022 montrent que nous restons dans le cadre du contingentement prévu. Il y a une grosse polémique sur cet examen qui n'a jamais été mis en place finalement en Wallonie. Pour vous, c'était la solution qu'il fallait pour ce contingentement? La façon dont cet examen est organisé en Flandre montre que nous respectons le contingentement. Je pense que c'est une option qui peut être examinée pour la communauté française. Interview d'Aurélie Fogli. On rappelle que le ministre wallon Jean-Claude Marcourt et la ministre fédérale Maggie De Blocq sont toujours en train de plancher sur une solution pour les étudiants francophones. Vous connaissiez les entreprises qui transmettent de génération en génération? Eh bien, dans la famille Filet, c'est l'école qu'on se transmet. Eh oui, l'école communale de Fréthure en Condroz, en province de Liège. Trois générations qui se succèdent depuis 1918. C'est une rencontre signée Martial Gillot. Les filets et l'école communale de fraiture en Condreau, cela remonte maintenant à près d'un siècle, à l'entrée en fonction d'Alfred, Georges, son fils. Il s'est entré à l'école de fraiture en 1918. Il a été tout seul à l'école d'Abourg, avec 51 élèves, garçons et filles. Je lui ai succédé en 52. J'ai géré pendant 15 ans une classe à deux niveaux, 3 et 4. Geneviève, fille de Georges et directrice actuelle. Ce n'était déjà pas facile, alors je n'ose pas imaginer les 6 classes dans le même local. Aujourd'hui, l'école compte 230 élèves et un total de 20 enseignants. Je suis content, bien sûr, quand on voit une entreprise presque familiale qui se développe. 8 anciens élèves de Georges Filet enseignent aujourd'hui à l'école, dont ses filles Geneviève et Isabelle. Leur arrive-t-il de se replonger dans les documents de leur père ou de leur grand-père, de s'inspirer de leur préparation de leçons? Non, pas du tout, non. Ça a tellement évolué, c'est plus du tout la même manière d'enseigner. Par contre, moi, j'ai retrouvé un registre qui date de 1945 de mon grand-père. Le 8 mai, il avait écrit « La guerre est finie », ils avaient eu 3 jours de congé pour la fin de la guerre. Si côté direction, il y a eu une interruption de 10 ans, depuis 1918, des filets ont en tout cas enseigné sans interruption à l'école communale de Fréture. J'espère qu'on fera une grande fête pour le centenaire. Je n'y serai plus, mais enfin... Mais la lignée d'instituteurs va s'interrompre. Aucun des petits-enfants de Georges Filet n'a choisi cette voie. La déception ce matin pour des élèves musulmanes inscrites dans une école de promotion sociale à Uccle. L'an dernier, elles pouvaient porter le voile pour suivre les cours. Mais ce matin, au moment des examens de seconde session, elles ont dû l'enlever. En cause, le règlement de l'établissement a changé pendant l'été. Les explications de Philippe Carlo. En juin, Fatima et Zahid ont passé leurs examens coiffés de leur foulard islamique, comme les autres jours de l'année. Ce mardi matin, elles se sont présentées à l'entrée de l'IEP-SCF à Uccle et ont été refoulées par un vigile. Motif, le voile est interdit. Fatima El Kadkoudi est étudiante en informatique de gestion. On vient pour passer un examen de passage et on nous a fait sortir de la classe en disant qu'on doit retirer notre voile ou quitter l'école. Quand vous êtes inscrite, il y a 2-3 ans, ça ne posait pas de problème. Tout à fait, donc on s'est inscrit. On a suivi les cours normales et la majorité des étudiantes ici à l'école sont voilées. Et là, on est surpris, on vient pour les examens de passage et on nous demande de retirer le voile. La présence de la presse a sans doute fait réfléchir la direction, à moins qu'un ordre ne soit venu de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À 11h15, les deux jeunes femmes ont été reçues par le directeur. 10 minutes plus tard, elles annonçaient être autorisées à passer leur examen. Le nouveau règlement d'ordre intérieur ne sera d'application que le 1er septembre. Invitées à s'expliquer sur ce pataquès, la direction a refusé tout contact avec nous. Reportage à Uccle de Philippe Carlo. Un migrant sur 4 arrivé en Belgique trouve un emploi en une année. C'est un chiffre donné par le VAB, l'équivalent flamand du Forum. Et après 3 ans de présence chez nous, la moitié d'entre eux ont obtenu un poste. 13 milliards d'euros. C'est ce qu'on peut appeler une amende salée, une somme que le géant Apple va devoir rembourser à l'Irlande. La Commission européenne l'a annoncé ce midi. Elle estime que la société américaine a bénéficié de cadeaux fiscaux pendant des années. Résultat, Apple va devoir rendre un paquet d'argent à Anne Blanpin. L'Irlande a bien le droit de choisir quel taux d'imposition elle applique aux sociétés. La Commission n'a rien à dire. Mais le problème, c'est que le taux normal d'imposition sur les sociétés en Irlande tourne autour de 12%. Donc, constate la Commission européenne, Apple a bénéficié d'un traitement de faveur par rapport à d'autres sociétés. C'est discriminatoire, c'est anticoncurrentiel, c'est une aide d'État et c'est interdit par les traités européens. La Commission n'interdit pas les transferts de bénéfices d'un État à l'autre ou les accords entre filiales d'un même groupe, ni même les arrangements fiscaux entre États et sociétés. Mais, dit Margrethe Vestager, la commissaire en charge du dossier, dans ce cas-ci, les montages sont totalement artificiels. Ils ne sont mis en place que pour accorder un bénéfice à une entreprise au détriment des autres, c'est illégal. Apple et le gouvernement irlandais ont annoncé qu'ils iraient en appel, mais en attendant la décision de justice, Dublin doit réclamer cette somme à l'Américain, quitte, dit la commissaire, à la placer sur un compte bloqué en attendant l'avis des juges. Les autorités américaines avaient ces derniers jours menacé l'Union de représailles, estimant que l'Union outrepassait ses compétences. C'est faux, répond la commission, qui rappelle que toutes les entreprises présentes sur le sol européen doivent se plier aux règles européennes. Nouvelle mise en garde de la Turquie qui menace de ne plus contrôler le flux des migrants qui tentent de venir en Europe. En échange de ce contrôle, la Turquie avait obtenu la fin des visas pour ses ressortissants qui voyagent en Europe. Le ministre turc des Affaires étrangères exige maintenant que l'accord soit appliqué d'ici octobre. C'est un nom que vous entendez régulièrement dans la politique française. Emmanuel Macron, le jeune ministre de l'économie, devrait annoncer cet après-midi sa démission. Une annonce qui, si elle se confirme, va faire du bruit à moins d'un an de l'élection présidentielle française. Un mot de sport encore avec le retour annoncé de Leander De Donker dans la sélection des Diables Rouges en vue du match amical contre l'Espagne et contre Chypre. Leander De Donker remplacera sans doute Marouane Fellaini blessé. Le point RTBF Mobile Info, Adrien Demey, c'est plutôt calme ce midi. Effectivement, situation trafic plutôt calme. Cela étant dit, vous perdez un petit peu de temps. Par exemple, sur le ring de Bruxelles, en circulation extérieure, comptez une dizaine de minutes perdues sur le tronçon entre Strombeek et Wemmel, direction Grand Bigard. Et puis, le trafic se tasse également sur le 42 Mons-Tournai, au niveau de la zone de travaux, entre Tournai et Vaux, et entre Tournai-Vaux et Quin, comptez environ une petite dizaine de minutes supplémentaires sur ce tronçon. C'est en direction de tourner. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Ah, merci Adrien, la vie du bon côté Sylvie Honoré. On parle santé ce midi avec l'hépatite. Hépatite, ça va votre foie sinon votre foie. Mais demander comme ça à brûle pour point, je ne sais pas quoi répondre. J'espère. J'espère. Oui. Vous savez que c'est un des plus gros organes de l'être humain, interne, hein. Interne. Il fonctionne, c'est sûr, oui. Il doit fonctionner. Il pèse 1,5 kg votre foie, à vue de nez comme oui, ça. Oui, vous le voyez comme ça. Professeur, 1,5 kg en général. Oui, oui, je le sollicite, en fait, c'est une relation parfaite entre la taille et le volume du foie et le volume du corps. Ah. Donc autrement dit, le volume du foie, mettez-vous ça s'adapte. Voilà, s'adapte debout dans tous les sens du terme. Hein. Mais on parle que du foie, hein, rassurez-vous, parce que je le sens un peu crispé déjà. Mais oui, dès qu'on parle de mon foie, je me crispe. C'est normal qu'il ne bon, le serait pas. Allez, on a affaire à un hépatologue extrêmement sympathique. Merci pour ce journal, l'info revient à 14h. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, le soleil est avec nous. La journée mondiale contre l'hépatite s'est déroulée donc il y a un mois environ. Et l'objectif en matière de communication lors de cette journée, c'était éradiquer le virus de l'hépatite C en Belgique. C'est possible grâce au traitement pour tous. Le progrès thérapeutique permet en effet aujourd'hui de guérir de l'hépatite C. Et c'est un véritable espoir pour les quelques 75 000 Belges atteints du virus de l'hépatite C. Pourtant, les enjeux liés à la maladie sont plus que jamais colossaux pour venir à bout de la maladie. Encore trop de malades ignorent leur état, la détection et l'information sont donc aujourd'hui nécessaires et c'est pour cela que vous êtes là, professeur Yves Horsmans. Vous êtes donc hépatologue. Alors, je vous l'ai dit en préparant l'émission, bon, c'est vrai que je me suis renseignée un petit peu, j'ai vu quelques petites vidéos qui m'en ont dit un peu plus sur le foie en général, sur tout ce qui est l'infection, tout ce qui est hépatite. Mais je vais essayer de poser des questions que tout le monde se pose. Ça va ? Parfait. Donc, hépatite C prioritairement, parce qu'il y a un vrai message à délivrer, mais vous pouvez répondre donc aux questions par rapport à l'hépatite A, B. Bien volontiers. ABC, on s'arrête là. ABC, hein. On n'a pas d'autres. Si, on peut aller jusqu'à D, E, et on cherche la dernière. DE, on en DE parle... existe également. D'accord, on en parle beaucoup moins. Alors la D est assez rare, il faut être infecté par le virus de l'hépatite B pour être co-infecté par le virus D. On trouve ça surtout en Turquie, une partie de l'Asie et une partie de l'Afrique. Donc relativement rare pour l'instant et heureusement en Belgique, de moins en moins puisque les gens sont vaccinés. Pour rappel, il y a une vaccination systématique qui est communautaire en Belgique, mais on ne va pas parler de ça. Non. Et alors il y a l'hépatite E. L'hépatite E, on voit de plus en plus, très fréquent dans le continent indien. À peu près une symptomatologie similaire à l'hépatite A, mais comme les gens voyagent de plus en plus, on commence à voir des hépatites E qui sont uniquement aiguës et donc très similaires à l'hépatite A en Belgique. D'accord. Bon, l'hépatite C, pour revenir à ça, 75 000 Belges, 170 millions de personnes dans le monde. On se classe où alors au niveau de la Belgique ? Alors on se classe relativement bas, entre guillemets, au point de vue épidémiologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gradient nord-sud qui est lié aux conditions d'hygiène. La transmission du virus hépatite C, c'est une transmission par le sang, essentiellement par le sang. Oui. Plus on va vers le nord, plus les conditions d'hygiène sont bonnes, peut-être parce qu'on sort moins aussi, ça c'est une anecdote. Donc vous avez beaucoup moins d'hépatite C en Écosse qu'en Angleterre, beaucoup moins d'hépatite C en Angleterre, ça dépend où on va, mais globalement en Angleterre qu'en Belgique, moins d'hépatite C en Belgique qu'en Italie, moins à Milan qu'à Palerme. Ah oh oui, carrément. Voilà. Ah oui, carrément. Il y a un gradient nord-sud. D'accord. Bon, nous allons parler aussi peut-être de la médecine d'une façon générale. Hein. Les généralistes belges qui tirent la sonnette d'alarme. Il y a un baromètre d'ailleurs qu'on citera, Leur connaissance de l'hépatite C au niveau des généralistes sont bien meilleures que la population de manière générale, mais certains points importants nécessitent encore de l'information et d'éducation. Or, étant en première ligne, évidemment, en tant que médecin, leur connaissance est essentielle pour dépister la maladie et éviter toute infection. Bon, on demande à nos auditeurs aujourd'hui de venir poser leurs questions, de témoigner à ce sujet. Comment reconnaître les hépatites? Nous en parlerons. Comment l'hépatite se transmet-elle? Nous en parlerons. Qui est exposé à l'hépatite? Quels sont les facteurs de risque? Quelles sont les différentes méthodes de prévention et de traitement? Voilà en quelque sorte les questions, les premières questions qui me viennent à l'esprit. 070 23 33 23, ou par SMS 30 63 50 centimes votre message si vous souhaitez intervenir à propos de l'hépatite. C'est parti. La vie du bon côté. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Sur Vivacité, nous parlons santé donc cet après-midi, santé du bon côté. Voilà, l'hépatite, bon on la met pas du bon côté, mais surtout toutes les informations en matière de santé propre au foie, puisque nous parlons du foie, en effet cet après-midi, nous le mettons à l'honneur. Et bien voilà, toutes les informations se doivent de passer cet après-midi, donc venez poser des questions. Voilà, on va dans quelques instants, d'ailleurs je voulais demander Yves Horsemans, repréciser un peu à quoi ça sert, évidemment, à quoi sert notre foie, donc voir un petit peu il est responsable de quoi, voilà, et ce qui lui coûte peut-être à notre foie et comment le préserver de la meilleure des façons. Venez donc poser toutes vos questions, témoigner à ce sujet sur les hépatites, comment on les reconnaît, parce que je pense que beaucoup de Belges confondent les hépatites, et nous parlons bien aussi de l'hépatite C aujourd'hui, parce qu'on l'a mis à l'honneur, cette hépatite-là, en évidence, en tout cas il y a un mois, lors de la journée mondiale contre l'hépatite, éradiquer le virus de l'hépatite C en Belgique, c'est possible grâce au traitement pour tous, c'est le message donc qui a été diffusé depuis 070 23 33 23 ou par SMS 50 centimes par message au 30 63. Alors On dirait que les coureurs semblent maintenant ralentir le rythme. Ah, avec un... Oui, un nouveau changement en tête et un nouveau leader qui emmène maintenant la course. Un vrai coup de fouet, là, pour tout le groupe d'échappés. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors, gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo. Et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel. Hola, c'est Paula de la Negra Albina. Venez le samedi 3 de septembre nous rejoindre à Perruet pour faire la fête lors des beaux vélos de Ravel. Nous partagerons la scène avec les Charlots. Hasta pronto. Le Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel, ce samedi 3 septembre à Perruet. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Les Woofies reviennent chez Shoe Discount. Ces chaussures de qualité pour les enfants, approuvées par les podologues. Achetez-les et recevez un poncho de pluie gratuit. Ça, c'est bon à savoir. Vivacité La Une présente le Vaux Rire, le Festival International du Rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vauxrire.be. Hésitez moins, vivez plus. Découvrez le monde grâce aux incroyables tarifs Book & Pay de Connections. Débutez votre aventure dans l'un de nos travel shops ou sur connections.be. Connections. Go. Explore. Pendant les 13 semaines du beau vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec le professeur Yves Horsmans, il est hépatologue, on parle de l'hépatite, mais surtout on parle du foie. Le rôle de notre foie, donc c'est vrai que notre foie est souvent comparé à une usine chimique. L'un des plus gros organes internes, à mon avis, on va le retenir, 1,5 kg chez l'adulte. Il est situé donc tout juste sous la cage thoracique du côté droit. Hein, jusque-là, on est d'accord. Vous m'avez dit un truc extrêmement important hors antenne. Yves Horsmans, vous m'avez dit, les personnes pensent qu'elles ont mal au foie, mais le foie ne fait pas mal. Oui, malheureusement pour nous, le foie ne fait pas mal. Ça veut dire que la plupart des gens qui viennent nous consulter, ce sont des découvertes fortuites d'atteinte hépatique. Donc autrement dit, on peut avoir mal dans la région du foie, région que vous décrire. Mais en fait, quand on a mal à la région du foie, c'est soit la vésicule biliaire, soit... l'estomac, soit la colonne vertébrale, soit le rein droit, soit le côlon, vous avez bien cité, soit les muscles, soit les côtes. Malheureusement pour nous, quand les gens viennent en disant « j'ai mal au foie », nous devons dire qu'ils ont peut-être une atteinte hépatique, mais que cette atteinte hépatique n'est pas responsable de la douleur. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ouais. Ne venez pas chez un hépatologue en disant « j'ai mal au foie ». Un, ça l'énerve. Deux, il ne va pas pouvoir vous aider. C'est clair. C'est surtout ça qui est embêtant, c'est qu'il ne va pas pouvoir vous aider de façon correcte. Il va juste pouvoir dire « de fait, vous avez éventuellement quelque chose au foie ou pas ». Mais même si vous avez quelque chose au foie, tel qu'une hépatite virale par exemple, ça ne donne pas de douleur. Malheureusement pour nous, en fait, il n'y a pas de nerf dans un foie, donc c'est un organe très très important. Comme vous avez dit, c'est une usine biochimique, il n'y a pas de nerf dans un foie. Donc vous devez bien comprendre que quand vous tapez sur un mur, même si je ne peux pas le démontrer à personne d'autre, le mur n'a pas mal. Donc le foie, même chose, ça ne fait pas mal. C'est un mythe qu'il faut détruire, ce qui est assez difficile, puisqu'on nous a enseigné quand on était très jeune, nos parents nous ont dit, nos mères en particulier à une certaine époque, même si maintenant on est à l'égalité, nos mères nous ont dit, il faut manger lentement, il faut permettre au foie de digérer, etc. C'est un concept très intéressant, mais complètement faux. Bon, et parce que souvent, ça aussi, les mamans nous disent, ne mange pas trop de chocolat, tu vas avoir mal au foie. Il m'est déjà arrivé, comme beaucoup de d'autres Belges, de dire, j'ai mangé trop de chocolat, j'ai mal au foie. J'ai bu un petit peu trop, ou un peu trop, hein, j'ai mal au foie, donc c'est pas vrai. Mais il y a quand même une fragilité quand même qui s'est installée. Alors le problème, c'est comment vous mesurez les choses. On n'a jamais la démonstration de la moindre fragilité. Donc nous avons des gens qui sont en cirrhose, c'est-à-dire à la phase terminale d'une maladie hépatique, même si ce n'est pas toujours le cas, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas d'effet favorable de la cirrhose, eh bien ces gens vont digérer comme vous et moi. C'est-à-dire ceux qui digèrent mal vont digérer mal sans cirrhose, sans atteinte hépatique, et d'autres avec une cirrhose vont digérer de la même façon. Donc il n'y a pas, en fait, contrairement à ce que les gens veulent croire, de lien entre la fonction hépatique et la digestion. Bon, bien. Le foie. Donc c'est vrai que des personnes nous demandent comment le nettoyer, comment le préserver, comment... Voilà, c'est, à quoi sert-il ? Donc, vraiment... donc, de façon simple, il sert à métaboliser des choses. Donc, le taux d'albumine, qui est une des protéines essentielles de l'organisme, est synthétisé par le foie, moyennant évidemment des apports extérieurs, ça c'est sûr. Les facteurs de coagulation, du moins certains d'entre eux, sont synthétisés par le foie. Donc, essentiellement, là, un rôle de synthèse et alors un rôle d'élimination. La bilirubine, ce qui fait que les gens sont jaunes, est éliminée par le foie. Donc si votre foie ne fonctionne pas bien, vous allez accumuler de la bilirubine par défaut d'élimination. Mmh, donc les deux grandes choses que font le foie, c'est synthétiser des choses et éliminer des choses. Même chose, même si au départ le foie n'est pas prévu pour métaboliser des médicaments, plus de 50% des médicaments qui sont maintenant en pharmacie sont métabolisés par le foie, ce qui permet d'éliminer le médicament. Sinon, évidemment, vous prendriez un médicament, 10 ans plus tard, il serait encore dans votre organisme, ce qui poserait des problèmes majeurs. Ouais, d'accord. On en est là. Bon, on en est là par rapport au foie. Alors, on va revenir sur les hépatites, bien entendu. L'hépatite A, la moins grave des hépatites, vous m'arrêtez si j'ai faux, hein, la moins grave des hépatites virales, et habituellement, le corps la combat en quelques semaines. Et on reste immunisé à vie? Oui, donc la moins grave, c'est toujours la même chose. Donc il y a exceptionnellement des hépatites fulminantes mortelles, et particulièrement lorsque vous êtes âgé. Donc le conseil, toujours, si vous allez dans les cliniques de voyageurs, c'est on va vous proposer de vous vacciner contre l'hépatite A si vous voyagez dans des pays à haute endémie. Voilà. Oui. Parce que plus vous êtes âgé, plus vous attrapez l'hépatite A, plus vous avez des risques de faire une hépatite fulminante, et la mortalité d'une hépatite fulminante est de l'ordre de 80%. Ah oui. Donc mourir d'une hépatite A alors qu'il y a un vaccin, c'est un peu frustrant. Oui, bien sûr. Maintenant, les risques d'avoir une hépatite A en Belgique sont proches de zéro. D'accord. Donc ça, c'est déjà voilà, une information par rapport à l'hépatite A. On parle bien de la A. 070-23-33-23. SMS 30-63 si vous souhaitez intervenir. As the day will come to shore and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear. Funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. No. Now's the time to understand. No. And now I see how we could. Until the break of dawn, till we could see. s'est installé dans la programmation musicale de ce mardi, dans la vie du bon côté. On met notre foi du bon côté, si on peut dire, puisqu'on essaie vraiment de vous donner un maximum d'informations avec le professeur Yves Horstmans, qui est hépatologue. On parle de cette journée mondiale contre l'hépatite qui s'est déroulée il y a un an. On parle prioritairement de l'hépatite C, un mois. On parle, mais un an aussi. Oui. Un an, de toute façon, c'est toutes les années. Donc l'hépatite C prioritairement, parce que c'était le message clairement énoncé lors de cette journée mondiale, mais on parle aussi des autres formes d'hépatite, genre. Voilà le genre de questions qui arrivent. Yves, j'ai fait un bilan santé il y a 3 mois, plus ou moins, et on m'a dit que j'ai fait dans le passé une hépatite A. Voilà, c'est là que j'étais au courant, il y a 3 mois. Ça fait quoi pour moi ? Rien du tout. Rien du tout. Donc rien du tout. En fait, vous avez fait l'hépatite A comme 33% des gens qui font l'hépatite A sans symptômes, et vous en êtes guéri comme dans l'immense marge des cas. Ah. Et ça n'a aucune conséquence pour vous ni pour votre foie. D'accord. Autre message. J'ai fait une hépatite A, je n'ai pas d'anticorps, est-ce normal ? Alors si vous n'êtes pas immunodéprimé, ce n'est pas normal, c'est qu'on a appelé ça une hépatite A, mais vraisemblablement c'est une hépatite de notre origine. Ah d'accord, voilà. Donc deux réponses courtes à deux questions clairement, précisément données par SMS au 3063. Vital, dans quelques instants, s'exprimera. Vital a fait un voyage en Afrique, il a même vécu en Afrique. Il a vécu en Afrique 32 ans. Il a été hospitalisé il y a 30 ans et il voudrait venir donc, nous parler de ce qu'il a vécu. Un cas classique, vous m'avez dit Yves Horstmans, en entendant son cas. Donc je pense qu'on va en effet donner de l'information pour la majorité d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Les hépatites, le foie en général, 070 23 33 23, SMS 30 63. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. La 2, en télé. Ce que je vais te raconter est top secret. Le projet de démanteler la plus grosse société au monde. Tous les dossiers de crédit, d'hypothèques ou encore de prêts immobiliers seraient intégralement effacés. Si tu fais ça, tu déclencheras la plus grande révolution. Mister Robot, les deux premiers épisodes, ce mercredi, sur la 2. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où ? Il est où le bonheur ? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Take it easy. Simplicité sur toute la ligne. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans ? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore S-Oliver. Info sur poincaré.eu. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? J'inspire le quartier. Comment ça ? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement. Pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial ! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. La vie du bon côté sur Vivacité. Yves Horstmans, hépatologue en Belgique, est avec nous aujourd'hui, cet après-midi, pour parler donc de l'hépatite C, mais pas que l'hépatite en général, le foie en général. Vital, bonjour, bienvenue Vital. Bonjour madame. Vécu 32 ans en Afrique, il y a 30 ans, vous étiez... Non, j'ai vécu 11 ans en Afrique pendant une période de 32 ans. Ah, j'ai vécu exactement 6 ans au Niger et d'autres pays. D'accord. Il y a quelques années, il y a combien d'années que vous avez été hospitalisé, Vital ? Bon, mais écoutez, je... Ah, on ne vous a plus. On ne vous a plus, apparemment, on vous a... Travail, la construction d'une rizière à Dosso. Et donc, le travail est extrêmement dur. Et un beau jour, je suis tombé en syncope, une perte de connaissance totale. Je ne sais pas combien ça a duré, je n'en sais rien. Oui. Mon chauffeur m'a mis dans le véhicule et m'a ramené à Niamey, à l'hôpital français. Voilà, le problème, c'est que je suis resté plusieurs jours à l'hôpital, mais je n'ai jamais su, là-bas, étant là-bas, de quoi je souffrais, ce qui m'est arrivé. Il a fallu que je revienne en Belgique, donc lors d'un congé suivant, pour comprendre que j'avais fait une hépatite C. J'ai demandé au docteur à son moment, tiens, comment est-ce possible qu'on n'ait rien décelé là-bas. Je voulais avoir l'avis du professeur concernant cette affaire qui m'est arrivée là-bas à cette époque-là. Mais donc, sans connaître toute votre histoire, en fait, vous ne pouvez faire un diagnostic d'hépatite C que si vous le recherchez. Autrement dit, si vous faites un test biologique, et je ne sais pas à quelle époque vous avez été hospitalisé, et les moyens dont disposait l'hôpital du Niger à l'époque, il faut savoir que le virus de l'hépatite C a été découvert en 1989, que les tests disponibles ont été disponibles entre 1990 et 92, suivant les pays, en tout cas si on parle des pays occidentaux, et au Niger, c'est sûrement arrivé plus tard, pour différents types de raisons. Donc si on n'a pas fait le test, par définition, on n'a pas fait le diagnostic. Oui, ben ça m'est arrivé en 86, donc je suppose... Voilà, donc à l'époque, on ne connaissait pas le virus, on appelait ça l'hépatite non A, non B, puisqu'on connaissait le virus de l'hépatite A, on connaissait le virus de l'hépatite B, mais pas celui de l'hépatite C. On s'est rendu compte que les hépatites non A, non B sont à 99% des hépatites C par la suite, mais donc en 86, on n'aurait pas fait le diagnostic en Belgique non plus, puisqu'on n'avait pas encore découvert le virus. C'était en 89, c'est fou ça. Et aujourd'hui, comment vivez-vous, Vital? Est-ce que vous avez des problèmes au niveau de votre foie? Écoutez, apparemment non. Depuis que je suis rentré d'Afrique, parce que j'ai fait le Niger, j'ai fait le Burundi, j'ai fait le Maroc, j'ai fait le Zaïre, j'ai terminé au Mali, à 62 ans, où les gens commencent à m'appeler papa. Quand vous commencez à vieillir là-bas, on vous appelle papa. Après 50 ans, on vous appelle « bonjour vieux ». Enfin bref, c'est comme ça. Mais j'ai toujours eu des petites craintes, mais je n'ai jamais repris de rechute de cette hépatite. D'accord. Bon, voilà. Madame, est-ce que je peux profiter de l'émission une seconde pour remercier tous les docteurs belges qui travaillent en Afrique? On vous remercie. Bien sûr, Vital. Merci beaucoup. Ça, c'est vrai que ça... J'ai construit l'hôpital de Dosso. Dans ces années-là au Niger. Ah, ok, oui. Et pour la coopération belge, l'hôpital de Dosso, il y avait 7-8 médecins. Ces gens travaillent 12 heures par jour. Et je vous assure que ce sont des héros. Ah, on entend que vous êtes ému, Vital. Merci beaucoup. Ben oui, voilà, le message est passé. Donc, cas classique, Vital, donc par rapport à ça. Donc, cas classique, en fait, la syncope n'a sans doute rien à voir avec l'hépatite C. Ah non, quand j'ai sans doute, c'est quasiment sûr. Oui, en fait, à l'occasion d'un épisode médical ou à l'occasion d'une assurance, est fait un test biologique, ici plus tardivement, mais logiquement, puisqu'en 86, on ne connaissait pas, on fait le test biologique et on découvre l'hépatite C. Donc, ce que j'appelle souvent un incident à l'aume, même si ça peut être une maladie grave, donc c'est une découverte le plus souvent fortuite, il n'y a pas de symptômes spécifiques de l'hépatite C, hormis les coups de pompe, mais qui ne sont pas totalement spécifique de l'hépatite C non plus. Oui, c'est bizarre parce que ça aussi, c'est une question que je vous ai posée en antenne et que j'allais vous poser, bien sûr. Donc, ça, pas de symptômes spécifiques, sauf le coup de pompe. Oui. Le coup de pompe n'est pas totalement spécifique puisqu'on peut avoir des coups de pompe pour des raisons de fatigue, oui, etc. Donc, mais disons que c'est la seule symptomatologie qui, quand vous vous entraînez suite à un traitement, l'éradication du virus, un certain nombre de patients vous décrivent totalement la disparition de ces coups de pompe. Ah oui. Tout le reste, les gens sont asymptomatiques, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques, il n'y a pas de symptômes particuliers. Et c'est le grand problème. Vous n'avez pas d'hépatite au stade aigu non plus. Il est très rare que l'hépatite C au stade aigu vous donne ce qu'on appelle la jaunisse ou vous donne des symptômes. De temps en temps, ça vous donne un syndrome grippal. Le syndrome grippal étant tout à fait aspécifique par définition. Et puis quand vous passez au stade chronique, il n'y a plus de symptômes, ou il n'y a quasiment plus de symptômes, si ce n'est les coups de pompe. Et donc par définition, on n'y pense pas, personne n'y pense, et comme on ne fait pas le test, qu'on n'a pas réussi pour l'instant, d'où l'intérêt de la journée mondiale, à dire aux patients, faites-vous détecter à une seule reprise, mais au moins faites-vous détecter une fois, par rapport au cholestérol qu'on fait tous les 6 mois avec une nécessité relative, eh bien personne ne le sait, et puis à un moment donné, on pose le diagnostic. Et on peut poser le diagnostic au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, puisqu'on n'a pas de date d'initiation, on peut même être contaminé au moment de la naissance. Ah, voilà, donc déjà pas mal d'informations grâce au témoignage de Vital par rapport à l'hépatite. C'est, encore une fois, la journée mondiale a bien mis en valeur l'importance de cette hépatite C, l'importance d'éradiquer le virus peut-être. 070 23 33 23 SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. C'était top les vacances. Oui, mais c'est la rentrée chez Espace Mode et ça, c'est super top. Hommes, femmes ou enfants, découvrez les nouvelles collections des marques les plus tendances. Participez à notre concours Back to School et tentez de gagner des shootings photos et des chèques cadeaux enfants. Conditions sur notre page Facebook. Espace Mode sera ouvert dimanche 4 septembre de 10h à 17h. Espace Mode à Péroué et à Genneval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. J'adore le soleil, j'adore comme il nous invite à profiter du jardin. Et j'adore surtout comment mes châssis Bellisol gardent bien dehors le bruit infernal de la tondeuse. Bellisol. Au troisième top, il sera... 13h33. Eh oh, t'es en mode plage à Malibu ou quoi? Allez hop là, on se relève. Tu te crois où L'anti-coup de mou C'est Nalou. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte, tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. Vivacité et la 2 présente Michel Polnareff en concert. Tous les grands classiques de son répertoire exceptionnel. Vendredi 18 novembre à Forêt Nationale. Réservation 0900 84 900, 50 centimes la minute et sur next-step.be. Je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées, par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser. Marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malobré d'une, la mer du Nord en hiver, sortait ses éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés, fermés. Jugez ma fortune sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes, en blonde j'ai des lacunes. Oh, le grand air, tourner le vent, la dune à l'envers, tourner le ciel et tourner la terre, tourner, tourner le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale, de flonflon à la française, fancy fair à la fraise. Dun dun dun dun dun. Ce passage-là était vraiment bien, ce passage-là était bien. Elle est repartie, un air lassé de reine à l'anguille, sur la digue un petit point parti, dans l'audit de son mari. Oh, son mari. Je chante un baiser, je chante un baiser osé, déposer C'est joli comme tout, Alain Souchon avec le baiser. Nous parlons d'hépatite aujourd'hui, hépatite A, B, C, principalement la C bien entendu, puisque encore une fois le message de cette journée mondiale contre l'hépatite était clair par rapport à ça. Éradiquer le virus de l'hépatite C en Belgique, c'est possible grâce au traitement pour tous. L'information reste plus que nécessaire pour détecter la maladie et éviter sa retransmission. Donc on parle de ça aujourd'hui, surtout aussi avec vous. Vous êtes hépatologue Yves Horsmans. Nous avons beaucoup de questions. Genre, j'ai souffert de l'hépatite C et suis guéri aujourd'hui. Dois-je continuer à me faire contrôler? Puis-je boire mon vin? Alors la réponse est, vous devez vous faire contrôler si votre degré de fibrose, m'excuse de parler un peu technique, si votre degré de fibrose est avancé, puisqu'il y a encore le risque, malgré l'éradication du virus, de survivre d'un cancer du foie, risque qui est faible mais qui est persistant. Mm-hmm. Et bien entendu, si vous avez encore une fibrose importante, le fait de rajouter de l'alcool, ça va dépendre de la quantité, mais le fait de rajouter de l'alcool va augmenter le risque. Donc si vous êtes guéri d'une hépatite C avec un stade de fibrose peu avancé, vous ne devez normalement plus avoir de suivi et vous pouvez boire une quantité raisonnable de vin. Donc se renseigner au niveau de son degré de fibrose. Absolument. Ouais. Nicolas nous dit, Sylvie, j'ai un copain qui boit trop de Jupiler tous les jours, il est devenu jaune, est-ce le foie? La réponse est oui, en fait il a sûrement fait ou quasiment sûrement fait une hépatite alcoolique. Sûr ou non avec une cirrhose. C'est une hépatite qui est créée par la toxicité de l'alcool et qui est liée en partie à la quantité d'alcool prise, même si, comme toujours en médecine, il y a une inégalité, puisque des gens vont faire une hépatite alcoolique avec parfois seulement 10 chops, comme on dit par jour, et d'autres vont pouvoir consommer 2 ou 3 bacs sans faire de problème. Oui, mais c'est une hépatite alcoolique, oui. Est-ce contagieux? L'hépatite alcoolique n'est pas contagieuse, si ce n'est de... En général, quand c'est un copain, on risque de boire avec lui. Oui, c'est, moi, je n'avais pas vu la deuxième partie de son message, mais c'est vrai que la contagion, finalement, on n'en a pas encore vraiment parlé. Et c'est important, donc on va en parler. Peut-être accueillir l'un de vos patients, pas parce qu'il va vous remercier, mais bon, ça fait toujours plaisir, mais parce que vous allez nous parler de ce que vous faites, évidemment, dans votre service avec vos patients, tels que Maurice. Bonjour Maurice, bienvenue. Oui. Bonjour. Voilà, parce que vous voulez remercier le docteur ici présent du traitement. Tout à fait, c'est une hépatite C que j'ai depuis très très très longtemps. Je suis passé, le professeur va pouvoir expliquer mon cas, il le peut, je lui autorise d'expliquer mon cas. Et il a trouvé ensemble la solution à mon problème sur l'hépatite C, donc en un minimum de temps, ce qui est formidable. Ça, c'est incroyable. Alors, on va parler de ça, on va parler de votre traitement. Maurice, restez bien en ligne. Et vous m'avez dit, Yves Horsmans, que Maurice fait partie des 300 que vous avez guéris en 18 mois, votre équipe. Oui, donc c'est le traitement qui guérit, c'est pas moi. On va rester modeste, on n'est pas chirurgien, on est interniste. Petite pique à mes collègues. mais donc, à l'heure actuelle, les traitements ont comme avantage des traitements uniquement par voie orale, d'une durée relativement courte. La majorité des patients sont traités en 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Et le taux de guérison réel, pas dans les études cliniques, est de 98%. Ah oui. Donc on est avec des taux absolument extraordinaires. Seul petit bémol par rapport à ce que vous avez dit et la journée mondiale, le traitement est potentiellement disponible pour tout le monde. Il n'est pas remboursé actuellement par Madame De Blok et nos ministres pour des raisons financières à tout le monde. Donc il est remboursé pour les gens qui, comme Monsieur Maurice, avaient une grille de fibrose importante. Voilà, donc Monsieur Maurice arrive chez vous, directement chez vous et... Il n'arrive pas directement chez moi, mais il vient par un autre circuit, peu importe. Et il a en fait un traitement ancien, puisqu'il y a quelques années, on a essayé un premier traitement qui n'a pas fonctionné tout de suite. Il a fait beaucoup d'effets secondaires à l'époque avec ce type de ce traitement. Et puis dès qu'on a eu la possibilité d'utiliser les traitements actuels qui sont disponibles et remboursés pour certaines catégories de patients depuis le 1er janvier 2015, puis on a mis en route ce traitement qui a été supporté, mais il le dira lui-même, de façon remarquable, donc très très peu d'effets secondaires et donc une réussite parfaite chez lui. Pas d'effets secondaires alors Maurice? Non, aucune. Et aujourd'hui, votre rythme de vie, voilà. Est-ce que vous avez dû changer votre régime alimentaire? Est-ce que vous avez dû... Pas du tout. Rien? Pas du tout. Rien. C'est-à-dire, quel est votre régime alimentaire? Est-ce que vous êtes modéré, consommé? Comment? C'est un amoureux d'une certaine glace, si je le reconnais bien. C'est vous qui aimez cette glace-là, Maurice? Comment vous dites, là? C'est un amoureux de la glace, crème glace, en fait. Je reconnais bien la personne. C'est mon péché mignon. Ah, voilà. Donc, j'ai reconnu la personne. Mais bon, voilà. C'est vrai que je fais quand même un peu attention, mais quand même, le goût de la glace, ça m'a passé. Mais effectivement, je ne bois pas d'alcool non plus. Ça, c'est quand même important. D'accord. Je crois que c'est dans tous les cas, même pas de l'hépatite C. C'est une question aussi que j'ai quand même envie de poser, Maurice, à vous, Yves Horsmans. Est-ce que quelqu'un qui suit un traitement ne doit plus boire du tout?

Claudio Capeo avec un homme debout, découverte vivacité. Il sera l'invité du 8-9 ce vendredi 2 septembre. Le Claudio Capeo. On a des, je pense, des messages intéressants, genre cette adolescente qui a eu une hépatite. Maman ne sait pas me dire laquelle, dit-elle. Elle était très contagieuse. Mon foie avait grossi de la taille de la main du médecin. Y aurait-il des séquelles qui font que je ne supporte plus aujourd'hui ni les graisses, ni l'alcool, demande Marie. Donc, concernant le diagnostic, il suffit d'aller faire une prise de sang chez un médecin pour savoir si on peut détecter le type d'hépatite que cela avait été dans le passé, première chose. En principe, il n'y a pas de séquelles puisqu'un foie régénère et que si la maladie de l'époque est guérie, il n'y a pas de raison qu'il y ait de séquelles. D'accord. Donc, ça, c'est une première chose. Autre question, j'aurais bien aimé avoir la personne sur antenne, mais apparemment ça ne se fera pas. J'ai une hépatite C, Sylvie, elle a été décelée il y a un an et demi. J'étais très surprise car je n'ai jamais eu une relation extra-conjugale, je ne me suis jamais droguée, pas de transfusion. On n'a pas encore, enfin si vous avez déjà cité tout à l'heure la contagion, comment ça se passait, mais on va quand même y revenir. J'attends un traitement, dit cette personne, je dois d'abord faire une biopsie du foie pour vérifier l'état, cirrhose ou pas. Alors deux points, la transmission se fait par le sang, donc les gens oublient que par définition il y a d'autres lieu que le lit ou les relations conjugales ou non conjugales pour la transmission. Je rappelle, quand on partage le lit, on partage la même salle de bain en général. Et donc, évidemment, trois instruments sont potentiellement contagieux de façon importante. Ce sont les ciseaux à ongles, c'est le rasoir et c'est la brosse à dents. Les gens, en principe, ne partagent pas. Oui, absolument, quand il y a saignement. Mais donc, les gens ne partagent pas, mais on sait bien que ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est une première chose. Et dans 20% des cas, de fait, on ne trouve pas de source évidente de contamination. Maintenant, tous les actes médicaux peuvent être sanglants. L'acupuncture, les gens oublient ça, par exemple. Le coiffeur peut aussi être responsable avec le phénomène de rasoir dans le cou. Il y a un célèbre coiffeur italien qui a contaminé tout son village, par exemple. Petit village, rassurez-vous. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il n'y a plus besoin de biopsie hépatique maintenant pour connaître le degré de fibrose. Il existe ce qu'on appelle une mesure de l'élasticité du foie par différents types de techniques qui est disponible dans la plupart des hôpitaux belges maintenant. Donc, madame ne doit pas bénéficier ou, entre guillemets, subir une biopsie hépatique pour avoir une idée du degré de fibrose. Maintenant, il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles on propose une biopsie hépatique, ne connaissant pas le cas de madame. Vous fiez que Donc, si c'est une hépatite C dite pure, entre guillemets, il ne faut pas faire de biopsie. D'accord. Donc, ça, c'est encore une chose. Hépatite B, je vois un message d'une personne qui a une hépatite B qui aimerait avoir quelques renseignements. Je vous le lirai hors antenne pendant le flash de 14h et vous me direz si on peut prendre cette personne sur antenne. Donc continuez évidemment à nous envoyer des messages. Nous avons eu aussi le message de Sigrid, d'assistante sociale, qui soutient et encadre les personnes fragilisées atteintes d'hépatite. On aura peut-être l'occasion aussi de la rappeler tout à l'heure. 070 23 33 23, SMS 3063. Et tout à l'heure, vers 14h30, j'aurai l'occasion aussi d'appeler Christophe Godefriot. Pourquoi? Parce que j'organise, figurez-vous, Ivorsmans, une grande journée, même deux journées, au Fit Cap 48, avec des coachs, dont Christophe Godefriot sera l'un d'eux. Donc ce sera à Mons le 30 septembre, ce sera le 6 octobre à Liège, si vous voulez venir nous dire un petit bonjour. Et si ma différence était ma richesse, puisque nous faisons le parallèle, bien sûr, avec la campagne de Cap 48, qui s'intitule « D'année en année, ensemble, même si nous sommes tous différents ». Donc, et si ma différence était ma richesse. Et on aura l'occasion donc d'inviter nos auditeurs à venir être coachés en direct par quatre personnes qui sont des invités réguliers de mon émission. Et puis, on leur offrira à boire et à manger au prix symbolique de 48 euros au profit de Cap 48. Tout sera entièrement redistribué. La preuve, ce sera dans l'émission télé. Je serai présente pour donner le chèque que nous aurons récolté grâce à vous. On en parle tout à l'heure vers 14h30. Continuez à poser vos questions, à intervenir, à témoigner sur le sujet du foie, sur les hépatites d'une façon générale et principalement l'hépatite C. Le flash de 14h arrive. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. J'adore le soleil, j'adore comme il nous invite à profiter du jardin. Et j'adore surtout comment mes châssis Bellisol gardent bien dehors le bruit infernal de la tondeuse. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservé pendant les jours du oui, avant le 29 septembre, pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, le séjour est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservé chez Jet Air Center, votre agent de voyage, ou sur jetair.be. Merci d'écouter Vivacité, les 14h. Et voici le flash de 14h, présenté par Justine Hermans. Bonjour à tous, vous faites peut-être partie de ce 1,5 million de Belges qui prennent des statines, des médicaments contre le cholestérol. Ce sont les plus vendus dans les pharmacies belges, en tout cas en 2015. En 10 ans, leur nombre a augmenté de 60% avec une stabilisation ces 3 dernières années. Des versions moins coûteuses de ces médicaments existent. Elles permettraient une économie potentielle de 50 millions d'euros pour le budget de l'INAMI, selon des estimations de la Mutualité Chrétienne. Toujours en 2015, l'INAMI a consacré environ 137 millions d'euros au remboursement de ces médicaments anti-cholestérol. L'Irlande et Apple, la marque à la pomme, vont faire appel de la décision de l'Union européenne qui condamne Apple à rembourser un montant record de 13 milliards d'euros. La Commission européenne reproche à la marque américaine d'avoir réduit artificiellement son taux d'imposition grâce à des accords fiscaux passés avec les autorités irlandaises. C'était de 2003 à 2014. Apple juge la décision de Bruxelles néfaste pour l'investissement et l'emploi en Europe. En France, une démission attendue aujourd'hui au sein du gouvernement, celle du jeune ministre de l'économie, Emmanuel Macron. 40 athlètes médaillés des derniers Jeux Olympiques seront présents à Bruxelles le vendredi 9 septembre prochain pour la 40e édition du mémorial Ivo Van Damme. 13 champions olympiques, 15 médaillés d'argent et 12 de bronze. Les négociations continuent avec d'autres athlètes pour qu'ils puissent venir le 9 septembre prochain. En football, l'Anderlechtois Leander Dendoncker rejoint les Diables Rouges pour les prochains matchs de la Belgique contre l'Espagne jeudi et un peu plus tard contre Chypre. Il s'agit donc du premier joueur du championnat de Belgique appelé par le nouvel entraîneur des Diables Rouges, Roberto Martinez. C'est ce que l'Union Belge de Football a confirmé aujourd'hui via Twitter. La série belge La Trêve a débarqué sur la chaîne française France 2 hier soir. Les 3 premiers épisodes ont rassemblé plus de 3 millions de Français. Une audience correcte en France, mais La Trêve n'était pas sur la première marche du podium. D'autres programmes ont attiré plus de monde hier soir. La météo, le soleil brille partout en Belgique. Quelques nuages de beau temps viennent ponctuer le ciel bleu. Les températures aujourd'hui sont estivales de 19 à 25 degrés. RTBF Mobile Info, on file sur les routes avec vous Marjorie Bilot. Oui, une bonne nouvelle sur le ring. La chaussée est dégagée à Ouémel vers Grand Bigard. Un accident s'était produit. Néanmoins, il reste encore 10 km de bouchons à partir plus ou moins de Maquelone, donc en direction de Grand Bigard. Plus ou moins encore une heure, voire 50 minutes perdues. Donc voilà, ça reste compliqué sur ce tronçon Zaventem Grand Bigard. Mais la circulation, on l'espère, va doucement se fluidifier. Donc là-bas, c'est chargé sur le nord du ring. Et puis sur le 42 Mons-Tournay, ce sont les travaux entre Tournevaux et Quin qui vous ralentissent sur 3 km. Vous perdez quelques minutes si vous allez vers la France. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. La vie du bon côté sur Vivacité avec vous, Sylvie Honoré. Merci Justine, l'info revient à 15h. Le beau vélo de Ravel. Le beau vélo de Ravel, en effet, ce sera ce samedi à Perouet, l'avant-dernière, puisqu'il restera Liège et Bruxelles par la suite. Vous connaissez peut-être déjà le système P+R pour les voitures. Ce dernier permet aux automobilistes de se garer dans un parking situé un peu en dehors de la ville et d'en rejoindre le sens grâce au bus. Eh bien, ce genre de système pratique existe également dans certaines régions pour les cyclistes. C'est ce que nous explique à nouveau Adrien Jovenot et son invité Alice Gobier. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Le beau vélo de Ravel sera samedi dans la région de Perouet. L'occasion de parler intermodalité et stationnement avec Alice Gobier du service public de Wallonie. Bonjour Alice. Bonjour Adrien. Alors qu'est-ce que l'intermodalité? En fait, c'est associer le vélo à d'autres modes de transport pour pouvoir effectuer un trajet qui est souvent plus long. Comme par exemple aller jusqu'à la gare pour ensuite prendre le train ou encore aller en vélo jusqu'au plus proche arrêt de bus. Et ici à Perouet, il y a une ligne de bus qui a été spécialement aménagée pour les utilisateurs qui combinent le vélo et le bus. Donc il y a des parkings vélo aux arrêts pour que les cyclistes puissent y laisser leur vélo avant de monter dans le bus et après pour pouvoir le récupérer évidemment. En Wallonie, on a un groupe de travail qui s'occupe d'étudier toutes les questions d'intermodalité pour que le citoyen puisse faire des trajets combinés beaucoup plus agréables. Car l'intermodalité, c'est parfois vraiment une solution idéale si on est confronté à un trajet de grande envergure ou un trajet avec un dénivelé assez important, comme c'est souvent le cas en Wallonie. Eh oui, nous ne sommes pas en Flandre. On peut aussi laisser son vélo dans certaines gares de Wallonie, celles où il y a des parkings vélos sécurisés. Oui, notamment dans les 8 gares où il y a un point vélo, il y a d'office des parkings spécifiques pour que vous y laissiez votre monture. Donc vous avez ça dans les gares de Namur, de Mons, de Liège, de Gembloux et d'Otigny, où les parkings sont gérés par ProVélo, qui assure la surveillance des parkings avec des rondes. Mais il y a aussi d'autres gares où il y a un point vélo, c'est Charleroi, Hatte et Tournai. Mais il faut rester bien évidemment prudent et toujours bien attacher votre vélo avec un cadenas adéquat. On voit encore beaucoup trop souvent des vélos accrochés uniquement par la roue avant, ce qui n'empêche absolument pas le vol du vélo, ou alors avec des cadenas de très piètre qualité, et là, bon, c'est facile à briser avec une grosse pince. Donc des infos pratiques sur ce type de cadenas, on en trouve sur plein de sites internet. Nous, on vous conseille celui de ProVélo. Et on vous conseille aussi de faire graver votre vélo avec votre numéro d'identification nationale. Ça, c'est sûr que ça n'empêche pas le vol de votre vélo, mais si par chance il est retrouvé, ça permet à la police de vous le rendre plus facilement. Et oui, n'oublions pas que voler est l'anagramme de vélo, donc faites attention. C'est aussi l'occasion de faire graver, hein, vous l'avez dit, sa bicyclette. Où peut-on faire cela ? Mais souvent, c'est la police qui a ce genre d'outils pour faire graver le vélo, mais on peut aussi le faire dans les points vélo ou dans les ateliers de mécanique vélo, comme dans le recyclage par exemple. Et sur le beau vélo de Ravel aussi, on a régulièrement l'occasion de faire graver sa bicyclette. Ce sera le cas ce samedi à Pérouë. Merci beaucoup Alice, bonne semaine. Bonne semaine. Et on se retrouve au pied des éoliennes ce 3 septembre. Oui, mais avant cela, on vous retrouve également demain, même heure, Adrien, pour une nouvelle séquence concernant le beau vélo de Ravel. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité. La vie du bon côté. Et on essaie de mettre notre santé du bon côté en parlant aujourd'hui de l'hépatite en général, de notre foie en général. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été soulevées, hein, beaucoup de réponses apportées à beaucoup de questions. La première phase d'une infection d'hépatite C, donc je le rappelle, une hépatite C, oui, ou chronique, oui. L'hépatite C peut devenir chronique aussi. Exact. C'est ça, hein. Oui. Donc en fait, l'hépatite C est une contamination essentiellement par le sang, comme j'ai l'occasion de vous le dire. Oui. Quand vous attrapez le virus, vous avez 20% de chance, plus ou moins 20% suivant les études, d'éliminer spontanément le virus. Donc on peut guérir spontanément du virus. Cette guérison, quand elle a lieu au cours des 6 premiers mois qui suivent le contact, le premier contact avec le virus. Et on parle d'hépatite chronique lorsque vous êtes porteur du virus depuis au moins 6 mois. Ah, donc la définition est purement une définition temporelle. Alors c'est parfois extrêmement difficile puisque vous pouvez rencontrer quelqu'un qui en fait a déjà le virus depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Comme vous n'avez pas de date de contamination, vous ne pouvez pas encore dire à la première fois, s'il n'a jamais eu de prise de sang, qu'il est déjà au stade chronique. C'est hautement vraisemblable, mais ce n'est pas absolu. Il faut les 6 mois pour démontrer qu'on nous sommes au stade chronique. Mm-hmm. J'ai lu aussi en préparant l'émission et en voyant les petites vidéos qui sont vraiment bien faites sur le site web de l'hépatite C, enfin voilà, je crois que j'étais sur le site officiel, que le système immunitaire était assez fort au niveau du foie. Alors, le système immunitaire est assez fort et en même temps pas trop fort. Donc il est fort dans le sens où de fait on peut très souvent aboutir à des éliminations globales, etc. Oui. La deuxième, moins fort dans la mesure où quand vous greffez par exemple quelqu'un, vous pouvez greffer le foie de quelqu'un qui... Enfin, chez quelqu'un uniquement en se basant sur le groupe sanguin. Ce qui est impossible par exemple au niveau du rein, au niveau du cœur. D'accord. Si on souffre d'hépatite C, pas de régime spécial. Vous l'avez dit, on a entendu tout à l'heure Maurice aussi, voilà. Hein, qui en parlait. Hormis l'alcool, pour hormis que l'alcool. Soit dans le régime. Voilà. Gare à l'alcool afin de ne pas surcharger votre foie de manière inutile, à avoir une alimentation saine et variée, donc, faire je du peux me permettre, la surcharge du foie est un concept que beaucoup de gens aiment bien, que nous ne comprenons pas comme hépatologues, mais c'est peut-être par un manque de connaissances. En fait, ce qu'on veut éviter, c'est toute substance toxique supplémentaire. Et l'alcool est toxique pour le foie, et donc on prend un principe de précaution que vous connaissez bien, et on dit rien. On n'a pas la démonstration qu'un verre par jour serait toxique, mais on sait bien quand on dit à quelqu'un il peut prendre un verre, où commence et où finit le premier verre. D'accord, merci. Vous avez raison, hein. C'est vous le spécialiste, hein. Moi, c'est simplement des informations que j'ai prises quand même sur un site officiel. 070 23 33 23. SMS 30 63 si vous souhaitez donc intervenir, poser une question, témoigner. Le temps d'écouter le tube de l'été qui se poursuit. Justin Timberlake. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Timberlake, le tube de l'été. Ne me dites pas, vous ne connaissez pas Ivor Smans. Non, j'avoue. Mais bon, j'ai peut-être moins de temps que vous d'écouter la radio. Oh, n'écoutez non, jamais. Si, chaque fois que je suis en voiture, j'écoute la radio. Mais vous ne vous avez jamais entendu? Bah non. J'écoute pas assez souvent. Pas la musique. N'écoutez pas la musique. Je préfère les émissions de texte, comme on dit. D'accord. Bon, ben si c'est une émission, ça va? Ça vous va l'émission aujourd'hui? Oui, ça va. On tient le coup, merci beaucoup. Non. Comment ça tient le coup? On tient bien le coup. On vous apporte votre petit verre d'eau. D'eau, hein, vous rendez compte? Oui, ça c'est sûr. Ouais. C'est bien parce qu'on vient d'avoir un débat de fond avec vous sur les médicaments et c'est vrai que vous êtes un spécialiste qui. Ben voilà. Comment je vais dire? Parce que elle n'ose pas dire un antimédicament. Je peux dire ça? Oui, absolument. Un antimédicament, le médicament a une utilité, pourtant qu'il soit utilisé au bon endroit. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez par exemple des millions actuellement, et l'industrie pharmaceutique ne va pas aimer ce que je dis, mais vous avez des millions de gens qui prennent des vitamines alors que ça n'a aucune utilité. On a vécu sous le concept des marins, de nos amis navires de Christophe Colomb, et donc à un moment-là, ça avait une utilité. Pourquoi? Parce que les gens étaient en carence. Maintenant que les gens sont en excès, ils continuent à prendre des vitamines. L'industrie pharmaceutique, en tout cas celle de la vitamine, se fait encore des fortunes. Elle vous remercie. Pour tous ceux qui manquent un peu d'argent, dépensez pas votre argent à ça, ça ne sert strictement à rien. Maintenant, si vous voulez enrichir l'industrie pharmaceutique, continuez à le faire. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. Olivier, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. On parle de votre femme qui serait atteinte d'une hépatite C non active. Ça veut dire non active. Ouais. On vous a dit ça Oui, comme on lui a dit, donc c'était l'hépatite C, mais qui dormait. Donc il n'y avait rien vraiment à faire. Mais donc, comme j'écoute l'émission, ouais, elle a quand même aussi des symptômes que l'après-midi, ben, elle aime bien faire la sieste, qu'elle est quand même fatiguée ou quoi. Et donc, je voulais un peu savoir quoi. Donc vous avez deux formes d'hépatite. Vous avez ce qu'on appelle l'hépatite active, terminologie que je n'aime pas, mais donc qui est une hépatite en fait qui provoque une augmentation progressive du taux de fibrose, évolution vers la cirrhose et donc risque d'insuffisance hépatique et de cancer. Celle-là, on la traite par définition. Pour l'instant, en tenant compte des coûts des médicaments, l'hépatite dite dormante, c'est-à-dire celle qui n'induit pas une fibrose, on ne la traite pas. À tort ou à raison, essentiellement pour des raisons économiques. Là où vous changez un peu la façon de voir les choses, c'est que si la personne dont vous parlez, c'est-à-dire votre épouse, a des épisodes de fatigue, ils peuvent de fait être potentiellement liés au virus de l'hépatite C, et alors il faut rediscuter le traitement. Le problème va alors être l'accès au traitement. Cet accès va être élargi dans les prochains mois, et à ce moment-là, il faut discuter le traitement. N'oubliez pas, pour expliquer comment les choses se passent, c'est que chez un certain nombre de gens, en particulier chez les femmes, dont le foie fibrose moins vite que les hommes, qui ne consomment pas d'alcool, qui ne sont pas obèses et pas diabétiques, le virus va profiter de la personne pour être logé et nourri très confortablement. Il ne va jamais agresser le foie de la personne. Il va se servir de cette personne pour en infecter d'autres. Et donc, c'est comme ça qu'on dit, entre guillemets, qu'elle est dormante, mais ça bénéficie autant à la personne, c'est-à-dire le patient qui est infecté, qu'au virus, qui va évidemment pouvoir rester longtemps et donc contaminer d'autres personnes. Okay, ouais. Donc ce serait plutôt moi qui serais plus en danger par rapport à son virus, quoi. Alors le danger pour vous repose essentiellement sur sa brosse à dents que vous ne devez pas utiliser, son rasoir si elle s'épile les jambes que vous ne devez pas utiliser et ses ciseaux à ongles que vous ne devez pas utiliser. Donc la transmission est sanguine et la contamination sexuelle est-elle tout à fait exceptionnelle, sauf si vous y allez dans le sadomasochisme, mais c'est pas le but de l'après-midi. Voilà. Au moins, ça a été dit quand même une fois pour toutes. Voilà. Merci Olivier de votre intervention. J'espère encore une fois qu'on a répondu à votre question. Témoignage, question, interrogation, émission santé aujourd'hui. Et à propos de ça, je recevrai la semaine prochaine le professeur Henri Joyeux, qui fait quand même beaucoup, beaucoup parler de lui. Il sera en conférence le vendredi 9 septembre, je pense, à Mons. Et donc, il passera voilà, dans cette émission. Donc, on parlera certainement d'alimentation, de cancer, parce que il s'est fait surtout connaître par rapport à ça. Hein, quand c'est un spécialiste français en nutrition, alimentation et cancer, même si aujourd'hui, bah voilà, il a eu quelques problèmes avec l'ordre des médecins. Et donc voilà, on ne fera pas une émission polémique, on fera tout simplement une émission pour diffuser en tout cas son message. Et vous pourrez intervenir, professeur donc Henri Joyeux, qui sera là le 9 septembre. Si je vérifie bien, c'est un vendredi. 070 23 30 3323 SMS 3063 si vous souhaitez intervenir. Encore un soir. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le tip-top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. En télé sur la une. Elle est sortie de ce sac de sport et tout ce qu'elle a vécu avant, elle l'a oublié. Tous ces tatouages sont récents. Cette carte au trésor. Chaque tatouage est une clé. Chaque clé conduit à un crime. Blindspot, les trois premiers épisodes, ce mardi sur la Une. My love vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Vivacité et la ville de Charleroi présentent le cortège des 350 ans de Charleroi. Le samedi 3 septembre, géants, sidérurgistes, mineurs, verriers retraceront les grandes étapes de l'histoire de Charleroi. De 17 à 19h de la place Charles II au quai de Sambre. Présence exceptionnelle de l'Homogang. Groupes musicaux et chorales sur tout le parcours. Vous connaissez l'histoire de cet électricien qui a pété les plombs? Ou celle de ce marchand d'antivol qui s'est fait cambrioler? Ou de cette entreprise d'extincteurs qui a brûlé? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre entreprise. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner.

Your papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should. Like a young man should. Angelita, she knows. Don't cry, Angelita. He's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm. He'll come back and take it. Rico, vaya con Dios sur Vivacité. Dans la vie du bon côté, nous parlons de l'hépatite, nous parlons de l'hépatite C, nous parlons de l'hépatite B, parce que vous êtes nombreux malgré tout à nous poser d'autres questions par rapport à cela. Et je pense à vous, Pierre. Bonjour, bienvenue, Pierre. Bonjour. Le docteur, le professeur Yves Horsman, hépatologue, donc notre invité depuis 13 heures. Vous avez eu une hépatite B. Vous aimeriez avoir quelques renseignements à ce sujet, car vous avez vu un médecin qui vous a dit que ça pouvait remonter à 15 ans. Et là, vous vous posez des questions en disant, est-ce que c'est possible que j'ai ça depuis 15 ans? Voilà. Ouais. J'étais un peu étonné que depuis une quinzaine d'années, bon, je n'ai rien senti, je n'ai rien vu venir. J'avais juste des problèmes intestinaux et c'est tout. Mais donc, comme souvent dans le cas des hépatites, sauf si vous avez des syndromes qu'on appelle prodromaux au stade aigu, vous n'aurez pas de symptômes et la découverte est fortuite. Il est tout à fait possible d'ailleurs que votre hépatite ait plus de 15 ans. Donc l'hépatite B, les deux grands modes de transmission sont la transmission périnatale, très fréquente en Asie et en Afrique, c'est-à-dire que la transmission de la mère à l'enfant, extrêmement fréquente. Et puis la deuxième mode de transmission, c'est, contrairement à l'hépatite C, c'est une transmission sexuelle. Donc comme je dis toujours, quand on découvre le sexe, entre guillemets, on découvre le virus, c'est évidemment caricaturé, mais c'est un mode de transmission. Il y a évidemment d'autres modes de transmission possibles, mais les deux grands modes de transmission sont donc une transmission périnatale au moment de la naissance de la personne, et donc vous pouvez porter le virus sans avoir véritablement de symptômes jusqu'à votre mort, qui peut se passer à 85, 90 ou 95 ans. Donc attendre des symptômes, c'est attendre parfois des problèmes, d'où la demande que nous avons toujours de dire, faites-vous dépister. Alors pour l'hépatite B, quand les gens ont maintenant moins de 30 ans, ils ont systématiquement été vaccinés à l'âge de 12 ans, puisque c'est une vaccination communautaire. Mmh. Et donc ça, c'est fait en Belgique. L'hépatite C, il n'y a malheureusement pas de vaccin. Et donc là, il n'y a pas le choix. Si vous ne faites pas dépister, il y a très peu de chances que vous en faites le diagnostic. Et même que votre médecin en fasse le diagnostic, puisqu'il n'y a pas de symptômes spécifiques de la maladie. D'autres questions que vous vous posez, Pierre, par rapport à votre hépatite? Mais j'ai donc, moi, plus de 50 ans. Oui. Et donc, j'ai un traitement à prendre. Oui. Et je voulais savoir par rapport... Oui, à l'hépatite qui est plus haut, la C, si c'était beaucoup plus grave ou moins ou... Et donc, je réponds toujours de façon un peu malheureusement humoristique en disant, est-ce qu'un accident d'avion est plus grave qu'un accident de voiture? Donc, ça dépend où a lieu l'accident d'avion et ça a lieu l'accident de voiture. Donc, en termes de gravité, si vous prenez sur une population globale, l'hépatite B est plus dangereuse que l'hépatite C. Si vous prenez à titre individuel, c'est extrêmement variable puisque vous avez des hépatites B non actives et de plus en plus contrôlées avec les traitements que l'on a, même si en général on n'éradique pas, et de moins en moins avec l'hépatite C, puisque là, on peut presque éradiquer tout le monde pour autant qu'il y ait accès au traitement, puisque ça dépend dans quel pays vous vivez. J'entends derrière sa question, je pense, déceler derrière sa question que ABC, c'est comme si c'était un stade, non? Peut-être pour certaines personnes encore, vous voyez? Donc clairement, ce sont des virus complètement différents. Mais oui, c'est ça. Oui. Il n'y a absolument rien à voir entre l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Voilà. Et chaque maladie a son tropisme particulier, chaque maladie peut être sévère. Mais en termes de population, la B est plus sévère que la C, qui est plus sévère que la A, si on veut faire ça. Mais c'est une comparaison que le grand public aime bien, qui n'a aucun sens à titre individuel. Non. Et ici, ce qui vous concerne, c'est évidemment vous. Oui, mais je pense que j'ai perçu ça aussi, dans le sens, est-ce qu'il y a un degré, en effet, entre A, B, C, et vous avez cité D, E, qui existent aussi, même si on en parle beaucoup moins aujourd'hui. J'ai plusieurs questions aussi qui reviennent sur l'hépatite auto-immune. Je vous en ai posé tout à l'heure une, et vous m'avez dit, on va voir un peu si plusieurs que personne se pose la question par rapport à ça, eh bien oui. Et donc nous en parlerons dans quelques instants, parce que ça s'avère que si vous êtes plusieurs à poser la question, c'est que malgré tout, vous souhaitez avoir des réponses. On parlera aussi dans quelques instants de cette grande journée au profit de Cap 48, le 30 septembre à Mons, journée de coaching avec Christophe Godfrio qu'on appellera. Et puis le 6 octobre, ce sera une soirée conférence à Liège, à Médiacité. Donc on en parle dans quelques instants. 3063, si vous souhaitez intervenir. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, mais t'as laissé ton odeur sur les draps, sur les draps. Je donnerais tout pour être dans tes bras, dans tes bras. Avec Je te pardonne sur Vivacité dans la vie du bon côté. Vous savez que nous avons fait notre joyeuse entrée la semaine dernière, notre belle rentrée à nous, c'était la semaine dernière. Et depuis la semaine dernière, Yves Horstmans, je parle de cette grande organisation au profit de Cap 48 que nous mettons en place dans la vie du bon côté, à savoir deux journées. Nous nous associons en effet à Cap 48 pour faire monter, grimper le compteur. Nous organisons deux journées qui, ma foi, en termes de ligne éditoriale, rassemblent aussi le même public que notre public sensibilisé pour la cause Cap 48. Alors nous avons décidé d'intituler ces deux journées « Et si ma différence était ma richesse ?» dans le sens où nous avons tous une différence, bien entendu, que nous mettons en avant, ou que nous essayons justement un peu de cacher par rapport aux yeux des autres. La différence n'est pas que le handicap, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc cette journée, cette double journée soirée de conférences et de coaching est vraiment ouverte à tous. Christophe Godefrio, voilà, je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent en effet si c'est parce qu'on cible plus le public sensibilisé par la cause de Cap 48. C'est vraiment ouvert à tous. Christophe Godefrio, vous serez un de mes intervenants, j'ai envie de dire. Vous serez un coach qui viendra prendre part à la séance de coaching donc, et à la conférence. Vous êtes formateur en communication. Vous serez donc là le 30 septembre à Mons. Christophe, vous étiez là la semaine dernière aussi. C'est vous qui avez... c'est avec vous que j'ai parlé de la première fois la semaine dernière de ces deux journées d'organisation, parce que vous étiez mon invité. Votre thème portera sur la confiance en soi. Vous animerez en effet un atelier permettant de prendre confiance en soi pour oser affirmer sa différence. Est-ce que vous pouvez, Christophe, resituer un petit peu le thème de votre coaching et de votre conférence? Bien sûr. Bonjour Sylvie et bonjour à votre invité. Alors, effectivement, on va parler de confiance en soi dans la différence. Vous savez que la vie, c'est un petit peu comme un grand puzzle et chacun de nous est une pièce de ce puzzle. S'il y a une pièce qui manque à un puzzle, eh ben, le puzzle, il n'est pas complet, il n'est pas beau. Et c'est chacun dans notre différence que nous allons apporter des couleurs, que nous allons apporter une teinte particulière, que nous allons apporter en prenant notre place vraiment cette chose qui va faire que ce puzzle va être magnifique. Mais parfois on n'ose pas. Parfois on a du mal à prendre place avec cette différence, avec ce qu'on est. Et justement on va aller travailler cette confiance en soi. Donc associer la confiance, cette différence, de manière à ce qu'on voit comment elle peut apporter des couleurs dans le monde qui nous entoure et comment on peut s'inscrire dans notre environnement et rendre le monde plus beau. La confiance en soi. Voilà, ça ce sera donc votre atelier, la confiance en soi pour oser affirmer sa différence. Christophe, vous ne serez pas seul, il y aura Jean-Marc Colson qui animera un atelier afin d'aider les participants à augmenter le sentiment pour tout un chacun de sérénité et de beauté sur la richesse d'être unique. Christine Alexandre qui animera un atelier qui poussera à changer de regard et s'adapter sans jugement ni peur pour côtoyer les différences. Et enfin, Julia Coulin et Nathalie Van Krijnes qui animeront un atelier qui permettra à chaque participant de croire en son capital telle séduction en prenant conscience de ses richesses personnelles et donc de ses différences. Il y aura un petit déjeuner si vous choisissez la formule du matin, il y aura une pause déjeuner à midi et il y aura l'émission en direct de 13h à 15h. Ça c'est pour la formule du matin. Si vous choisissez la formule de l'après-midi, vous arrivez pour la pause déjeuner. Pour l'émission en direct, vous avez votre séance de 2 heures de coaching l'après-midi, au choix bien entendu, et ensuite le petit verre de clôture le soir, le petit verre de l'amitié avec une petite possibilité de restauration aussi. Voilà ce qu'on vous offre donc au prix unique de 48 euros. Voilà, on avait décidé symboliquement pour Cap 48 de plancher le prix à 48 euros selon que soit la formule du matin, la formule du soir, ou alors le 6 octobre à Liège, il y aura une grande conférence avec les 4 conférenciers, avec là aussi une émission en direct, avec là aussi une possibilité de restauration, bien entendu, qu'on vous offre. Ce sera à Mediacité. Comment vous inscrire? La vie du bon côté en un mot à rtbf.be ou par SMS 3063 pendant l'émission. Comme ça, je prends note de vos coordonnées et on peut vous rappeler pour vous envoyer les renseignements ou via la page Facebook, bien entendu, où le lien même est en ligne et est actif sur le site de Cap 48. Est-ce que j'ai été clair, professeur Hormans? Remarquable. Bon, et ben voilà. Alors, voilà une bonne action que je viens de mener. Merci Christophe et on reprend le cours de la conversation sur le sujet d'aujourd'hui dans quelques instants. Tip Top, du lundi au vendredi, la quotidienne. Dès 19h, Philippe Jauniaux vous fait découvrir les coups de cœur de Vivacité, les toutes dernières nouveautés et les titres les mieux classés dans l'émission du samedi. Numéro 3. Take off your clothes, blow out the fire. Numéro 2. Numéro 1. Et samedi dès 10h30, découvrez le nouveau classement avec Thomas Lorides. Tip Top. 6 jours sur 7 sur Vivacité. 24 heures sur 24 sur vivacité.be. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc, et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Et de l'ombre, le temps des lettres jetées au feu, le temps où on était heureux. C'était le temps des bords de mer, le temps des 15 pour des prévères. Je revois tes cheveux défaits dans la chambre d'hôtel, tu jouais, et moi sur la banquette arrière. Le vent de l'hiver, ça ne nous concerne pas pour l'instant, hein. L'hiver, on a encore bien le temps d'attendre qu'il ne s'installe chez nous. On parle d'hépatite C, surtout, prioritairement avec vous. Et c'est vrai que si vous êtes là, professeur Yves Horsmans, c'est parce que j'ai reçu ce communiqué de presse, comme on dit, hein, chez nous, parlant de la journée mondiale contre l'hépatite, et puis ces quelques mots, éradiquer le virus de l'hépatite C en Belgique, c'est possible grâce au traitement pour tous. C'est écrit en lettres majeures, en lettres capitales, mais ça m'a interpellée. Je me suis dit, voilà une information peut-être qu'il faut diffuser, parce que beaucoup de personnes l'ignorent. Oui, donc il faut le diffuser, c'est clair, avec, pour rappel, la petite nuance sur l'accès aux médicaments en termes de remboursement, qui pour l'instant est limité, qui va s'étendre dans les mois et les années qui viennent. Mais donc, avec un taux de succès de 98%, il devrait être possible de diminuer en tout cas drastiquement la prévalence du virus, donc la quantité de gens infectés, en rappelant que cette guérison est possible chez 98% des gens, donc c'est quand même pas 100%, mm-hmm. petite nuance. Oui, et deux, pour rappel aussi ce que les gens oublient, c'est pas parce qu'on vous a guéri d'une hépatite C que vous ne pouvez pas refaire une hépatite C. Ah oui, ça je l'ai lu aussi. Ça c'est la deuxième chose. Oui, oui, oui. Donc en fait, quand vous avez des anticorps anti-hépatite C qui montrent que vous avez eu un contact, vous pouvez très bien garder ces anticorps, mais le terme mal choisi, ces anticorps sont non protecteurs. Donc on peut être réinfecté. On rappelle qu'il y a 75 000 Belges atteints du virus de l'hépatite C. Avant d'écouter Christian, information d'urgence, RTBF Mobile Info, un conducteur fantôme, je pense, a annoncé. Je ne sais qui est là. Oui, Sylvie, exactement. Je vous informe en effet sur cette E40 Bruxelles-Liège qu'un conducteur roule à contresens à hauteur de Berthem. On nous l'a signalé il y a quelques instants, on n'effectue aucun dépassement. Tenez bien votre droite, c'est une autoroute fortement empruntée à hauteur de Berthem sur le 40 Bruxelles vers Liège. Un conducteur fantôme signalé donc à Berthem. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci beaucoup pour cette information extrêmement dangereuse, bien entendu. Donc, c'est en urgence qu'on vous informe de cela. Christian, bonjour. Bienvenue, bonjour Christian. Sylvie. Bonjour Sylvie, bonjour professeur. Bonjour. On parle de l'hépatite auto-immune parce que, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas le seul. Christian, à en avoir parlé, plusieurs personnes ont posé une question. C'est votre fils, depuis l'âge de 12 ans, qui souffre de cette hépatite auto-immune. Il en a 32 aujourd'hui. Alors déjà, vous ne savez pas d'où ça vient, là où les causes. Qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à ça, déjà? Qu'est-ce qu'on vous a dit, Christian? Pas vraiment d'explication précise. Un cas parmi X milliers de cas, les causes, non, je ne les connais pas, non. Qu'est-ce que c'est alors, l'hépatite auto-immune? En fait, on vous expliquait ce qu'on savait, c'est-à-dire qu'on ne sait rien. Soyons très clairs à ce niveau-là. L'hépatite auto-immune est considérée comme un phénomène auto-immun, c'est-à-dire que le système immunitaire de l'individu, pour une raison que nous ignorons totalement, il y a de tas d'hypothèses, mais ce ne sont que des hypothèses, se retourne contre une protéine de l'organisme. Et donc, dans le cas des hépatites auto-immunes, c'est une protéine qui se trouve dans le foie, qui est agressée donc, par le système immunitaire. Et donc, ce que le médecin peut faire, c'est un, poser le diagnostic, en sachant qu'il y a trois types d'hépatite auto-immune. Donc, si c'est un enfant de 12 ans, enfin, si c'est à l'âge de 12 ans que le diagnostic a été fait, c'est sans doute l'hépatite auto-immune de type 2 de l'enfant, première chose. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue l'activité du système immunitaire avec les inconvénients qui sont connus des traitements immunosuppresseurs. Et on contrôle, mais on ne guérit pas, et c'est sans doute le problème que vous posez. Oui. Enfin, dans les suppositions, on avait dit peut-être que c'était suite à une dose de vaccin contre l'hépatite B, mais bon, sans certitude. J'ai lu également que mon fils avait suivi un traitement vers 2-3 ans, l'âge de 2-3 ans, de gamma-globuline. Je ne sais pas si ça peut... Mais donc, il faut voir pourquoi il a reçu des gamma-globulines. Je pense que de temps en temps, le drame du corps médical, et qui est en partie lié à la demande des patients, je n'excuse pas le corps médical pour ça, mais on peut le comprendre. En fait, il faudrait pouvoir vous dire « on ne sait pas ». Le drame des médecins, c'est qu'ils disent rarement « on ne sait pas ». Dans le cas de l'hépatite auto-immune, d'abord, ce sont des maladies rares, qui sont plutôt des pathologies féminines que masculines, et qui sont encore plus rares chez l'enfant. En fait, il faut gentiment et tranquillement et malheureusement répondre « nous ne savons pas ». Et donc, on peut vous avancer tout ce qu'on veut, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, ben, on peut avancer toutes les hypothèses, puisque nous sommes de culture, on va dire, européenne, donc des enfants de Descartes, et les enfants de Descartes ont horreur de ne pas savoir d'où ça vient. Je vous rappelle qu'on ne sait pas pourquoi on est tel jour à tel endroit, ça tout le monde accepte, donc la vie, tout le monde accepte, et malheureusement les maladies sont une conséquence de la vie. Or, vous acceptez la vie, vous ne pouvez pas accepter les maladies. Je comprends tout à fait, mais en fait, on doit vous dire qu'on ne sait pas. Bon, ben voilà, donc ça vaut aussi pour toutes les autres personnes qui nous ont envoyé un message. Et en général, c'est souvent ça, c'est pourquoi, comment, et quel risque par la suite, et comment ça va évoluer, ou ce genre de questions, bien entendu. J'aimerais, professeur Iversmans, qu'on termine, parce que là aussi, il y a pas mal de questions sur la prévention. Voilà, des personnes qui nous parlent de cures. Est-ce que les cures détox pour le foie sont bonnes? Comment est-ce qu'on entretient malgré tout le bon fonctionnement du foie? Je trouve que c'est extrêmement important de terminer par là. Et donc, dans quelques instants, ce sera vraiment le dernier chapitre, on va dire, de votre intervention ici, qui dure depuis 13 heures. Et on signale aussi aux personnes qu'elles pourront réécouter l'émission en podcast sur Ovio si elles ont pris l'émission en direct, en cours de route. Commencez l'année scolaire du bon pied chez ShoeDiscount. En ce moment, plein de prix super bas. Rendez-vous vite chez ShoeDiscount ou sur ShoeDiscount.be. ShoeDiscount.

Et voilà, je voulais juste savoir ce qu'on devait faire ou ne pas faire. Pour avoir un foie en bonne santé, en tout cas, essayer et d'avoir un foie sain. Pour ne vivre pas normalement. Vivre normalement. Donc la réponse est vivre normalement. Donc c'est toujours la même chose en médecine et quelque part malheureusement, c'est l'absence d'excès est une bonne chose. Alors la définition de l'excès dépend de ce que vous voulez en termes d'espérance de vie d'une part et du fait que le foie est un organe parmi un ensemble d'organes puisque c'est un corps humain. Et donc quand les gens parlent de surcharge, c'est souvent en fait des problèmes plus de digestion que des problèmes de fonctionnement du foie. Et donc, il faut éviter ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous avez ce qu'on appelle maintenant la stéatose hépatique ou foie gras. Vous connaissez le canard et vous connaissez l'oie. Oui. L'être humain n'est pas un palmipède, donc il ne va pas aller au-dessus des océans en consommant sa graisse, puisque c'est pour ça qu'en fait, le canard et l'oie accumulent la graisse. Quand nous, on va au-dessus des océans, c'est en avion, donc on mange et on continue à boire pendant ce temps-là. Et donc, il faut éviter l'excès pondéral, mais c'est vrai au niveau cardiaque, c'est vrai au niveau des artères, et c'est donc vrai aussi au niveau du foie. Il y a une bonne corrélation entre le degré de graisse dans un foie et le degré de graisse au niveau des vaisseaux du cerveau et des vaisseaux du cœur. Et alors, il y a un mythe qui est extraordinaire, mais qui permet à un certain nombre de gens de vivre très très bien, c'est de croire qu'on peut détoxifier un foie. Voilà. Donc ça, oui. Anne, est-ce que vous faites parfois des cures détox ou pas? Oui. Ah, enfin, je ne vais pas dire laquelle, mais donc des cures de cures. Souvent, voilà. Vous en faites souvent Non, pas souvent. Pas trop souvent. Voilà. Mais voilà, parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui nous l'ont demandé, donc je voudrais savoir votre avis, Yves, par rapport mais à donc, ça. Mais donc les cures, si ça vous fait du bien au niveau cérébral, faites-le. Au niveau hépatique, ça ne va strictement rien changer, sauf si dans vos cures, il y a de la vitamine A. La vitamine A est toxique pour le foie, donc toute cure qui comprend de la vitamine A doit être absolument jetée. Ah, donc on doit bannir ça. On doit bannir la vitamine A, sauf s'il y a carence, mais la carence en Belgique de vitamine A est devenue totalement exceptionnelle. Donc pas d'excès en vitamine A. Le reste, c'est comme tout. Si vous avez trop d'argent, profitez-en. Les cures de radis noir, ce genre de choses. Mais donc n'importe quel type de cure. Hein. Donc si vous venez avec quoi que ce soit, toute cure est bonne si elle vous aide psychologiquement. Ça nous fait du bien. Elle ne va pas vous aider au niveau hépatique. Oui. Mais démontrer que quelque chose n'existe pas, pour rappel, est impossible. Oui, mais voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui nous demandent. Les dépures foie, Sylvie, voilà. Les produits associés, servent-ils vraiment à quelque chose? Donc, on a votre avis, hein, Ivor Smans. Et puis, Astrid nous dit, que pensent les pathologues de la cure du foie du docteur Clark? Enfin, voilà, donc on ne va pas citer... j'ai parlé du radis noir, parce qu'il m'est arrivé de faire une cure détox de radis noir. C'est très mauvais. Mais je me disais que ça me faisait du bien. Donc de temps en temps, il y a une petite forme de masochisme. Oui, oui, c'est ça. C'est pas bon du tout. Hein. Ça, je dois dire, il faut bien se passer le nez. Le petit jus de citron pressé dans l'eau tiède le matin. Mais de nouveau, en termes d'équilibre, c'est toujours bon puisque les gens font attention. Mais au niveau du foie, on n'a jamais rien démontré. Bon, mais je vais quand même continuer. Je vais quand même continuer, ça me fait du bien bon au moral. Petit matin. Ça me fait du bien au moral. J'aime bien mon petit jus de citron dans mon eau tiède. Ça a été vraiment un plaisir de faire cette émission avec vous. J'en veux encore des confrères comme ça. Mais quand vous voulez. Ah, mais franchement. Avec plaisir. Merci franchement de nous avoir appris beaucoup de choses sur ce ton léger qui est le vôtre. Aller-retour à suivre. J'adore le soleil, j'adore comme il nous invite à profiter du jardin. Et j'adore surtout comment mes châssis Bellisol gardent bien dehors le bruit infernal de la tondeuse. Bon après-midi à tous, de belles périodes ensoleillées, quelques nuages bourgeonnants par endroits et puis des températures bien de saison, même au-dessus, puisqu'on a 20 à 21 degrés attendus en Ardennes, 22 au littoral, 24 voire localement 25 degrés sur les autres régions. Le vent est faible de nord-est, demain on aura même encore 1 ou 2 degrés de plus avec quelques nuages bourgeonnants. Jeudi il fera peut-être un petit peu plus gris, mais ça n'empêchera pas les températures de rester agréable. Vendredi, à nouveau 22 à 26, peut-être même 27 degrés avant week-end qui pourrait marquer un changement de temps, mais ça reste encore à confirmer. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be.